إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, nous en sommes aujourd'hui au 80e précepte parmi les préceptes pré-islamiques abolis par la religion de l'islam que le cheikh l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala a mentionné dans son livre intitulé Masailul Jahiliya. Les préceptes que nous allons voir ce soir sont relativement proches les uns des autres et concerne le fait de vénérer les tombes, de vénérer les morts et d'accomplir des adorations auprès de celles-ci ou autre chose s'opposant à notre noble législation et sur lesquelles étaient les gens de la Jahiliya. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc dit « Al-mas'alatu thamanun, ittikhadu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. » Le 80e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait qu'ils prenaient les tombes de leurs prophètes et des vertueux parmi eux comme des mosquées, c'est-à-dire comme des lieux de prière. Cela est ce sur quoi étaient les gens de la Jahiliya, parmi les gens du livre ou les polythéistes arabes. Ils prenaient les tombes de leurs prophètes ou des gens vertueux comme des lieux de prière. Et ceci est toujours présent chez les juifs et les chrétiens, ainsi que chez les polythéistes arabes, et même chez certaines personnes s'affiliant à l'islam qui adorent les tombes et les mausolées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet « Certes, ceux qui vous ont précédés, prenez les tombes comme lieu de prière. Alors ne prenez pas les tombes comme lieu de prière. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc interdit cela. Et ce car la prière auprès des tombes, c'est un moyen et une cause pouvant mener à l'adoration de cette tombe. Même si la personne, elle prie pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'elle prie auprès de cette tombe, car ceci va mener, avec le temps, à l'adoration de cette tombe. Alors que dire de ceux qui se rendent auprès de ces tombes pour les invoquer, implorer leur secours, leur demander la guérison, leur demander de leur faciliter des choses dans ce bas monde et ainsi de suite, parmi les formes de polythéisme qui ont lieu aujourd'hui auprès des mausolées et des tombes qui sont adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ce dans de nombreux pays. Tout ceci fait partie de la religion des gens de la Jahiliya, parmi les juifs, les chrétiens et autres que. Un jour, Salama et Habiba, radiyallahu ta'ala anhuma, elles ont informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'elles avaient vu fil Habasha, en Abyssinie. Lors de la première émigration, elles avaient émigré avec leurs époux en Abyssinie. Alors elles ont informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'elles y avaient vu des églises avec à l'intérieur de nombreuses représentations. Des églises décorées, avec des images, des statues et ainsi de suite. Donc lorsqu'elles ont mentionné cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Ceux-là sont des gens qui lorsqu'un homme vertueux meurt parmi eux, alors ils construisent un lieu de prière sur sa tombe. » Et il place ses représentations. Ceux-là sont les pires de la création auprès d'Allah. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Il fait donc partie de la religion des gens de la Jahiliya, de prendre les saints et les gens vertueux comme seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en les invoquant, en faisant des sacrifices pour eux, en implorant leur aide, en implorant leur secours, et ainsi de suite. Et ils prétendent que ceci les rapproche davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ces morts sont leurs intercesseurs auprès d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 18 de Surat Yunus, « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا هُلَاهِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ » Et ils adorent, en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi au verset 3 de Surat Az-Zumar, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى Ceux qui ont pris en dehors de lui des alliés disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Telle était leur prétention. Ils ne pensaient pas que leur divinité avait la faculté de créer, de leur accorder la subsistance, de donner la vie ou de donner la mort. Au contraire, ils savaient que ceci, seul Allah subhanahu wa ta'ala en est capable. Cela est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils les ont pris comme intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala en guise d'intercesseurs. Comme on l'a mentionné dans le cours d'hier, car ils pensaient que cela avait un rang éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et que, en les prenant pour intermédiaires, ils auront alors plus de possibilités que leurs demandes soient exaucées. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voué nombre de formes d'adoration à ces intermédiaires, avec pour objectif que cela les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Telle était la religion des gens de la Jahiliyyah, et telle est la religion sur laquelle sont les adorateurs de tombes jusqu'à nos jours. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, il ne nous a pas ordonné de prendre des intermédiaires, mais il nous a ordonné de l'invoquer directement, sans prendre d'intermédiaires. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas ordonné de prendre des intermédiaires, car il n'a pas besoin d'intermédiaires, subhanahu wa ta'ala. Il se passe de toute sa création. Il est celui qui entend et répond aux demandes de ses serviteurs. Donc l'exagération au sujet des tombes et l'exagération au sujet des morts, en faisant des constructions sur les tombes, en les éclairant, en mettant des rideaux autour, en écrivant des choses dessus, ou en les spécifiant par certaines choses, tout ceci sont des formes d'exagération qui ont été interdites par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car elles mènent au polythéisme. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit: المسألة الحادية والثمانون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. Le 81e précepte, c'est le fait qu'ils prenaient les vestiges de leurs prophètes comme des lieux de prière, comme cela est mentionné au sujet de Omar, comme on va le voir. Il faisait donc partie de la religion des gens de la Jahiliya de prendre les vestiges de leurs prophètes comme des lieux de prière, c'est-à-dire qu'ils suivaient les traces de leurs prophètes, les endroits où ils ont été, les endroits où ils se sont arrêtés, les endroits où ils se sont trouvés, et ainsi de suite. Et ils prenaient ces endroits comme lieu de prière en recherchant la bénédiction en cela. Et la différence entre ce précepte et celui qui le précède, c'est que le précepte précédent, il concerne l'exagération au sujet des prophètes et des vertus, alors que ceci, il concerne l'exagération au sujet de leurs traces, au sujet de leurs vestiges. Tous les endroits où un prophète s'est assis, où un prophète a prié. Alors ils suivent ces endroits, ils suivent ces traces, afin de vouer le culte à Allah subhanahu wa ta'ala en ces lieux. Et ils pensent que la prière en ces lieux a la plus de mérite. Comme ceux aujourd'hui qui se rendent, lorsqu'ils vont à la Mecque, à la grotte de Hira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il se rendait dans cette grotte avant la révélation. Alors ces gens, ils se rendent dans cette grotte, ils vont y faire la prière, ils vont y faire des invocations. Pire encore, certains vont se frotter à ces pierres, et ceci ne fait en rien partie de notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas rapporté de lui qu'il est retourné dans cette grotte après la révélation. Et personne parmi ses nobles compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, s'est rendu dans cette grotte. Pourquoi? Car il savait que ceci n'est pas légiféré, et que ceci ne fait pas partie de notre religion. Également, aujourd'hui, on voit des gens qui se rendent où? À la grotte de Thawr, la grotte dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est caché lors de sa hijra. Ils vont prier dans cette grotte, certains vont y mettre du parfum, il y en a même des gens qui vont et qui jettent de l'argent. Tout ceci sont des choses qui s'opposent à notre noble législation. Tout ceci fait partie de la religion des gens de la Jahiliya, qui a été abolie par l'islam. Les gens de la Jahiliya, ils vénéraient et sanctifiaient les vestiges de leurs prophètes. C'est pour cela que Omar, radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième calife bien guidé, lorsqu'il a vu que les gens se rendaient vers l'arbre sous lequel les compagnons ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a alors dit, radiyallahu ta'ala anhu, Certes, n'a anéanti ceux qui vous ont précédés que le fait qu'ils suivaient les vestiges de leurs prophètes. Puis il a ordonné de couper cet arbre. Pourquoi? Afin de prévenir contre le shirk, afin de prévenir contre le polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se trouvait sous cet arbre, il ne visait pas ce lieu précisément, contrairement aux lieux dans lesquels il se rendait pour l'adoration. Comme par exemple, lorsque tu fais la Umrah ou le pèlerinage, une fois que tu as fait le tawaf, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire 2 unités de prière derrière le maqam Ibrahim. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela en visant ce lieu, se soumettant à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit dans son noble livre, Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Et faites du maqam d'Ibrahim un lieu de prière. Il est donc légiféré de prier derrière le maqam Ibrahim, et ce, prenant pour exemple et comme modèle, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant au fait qu'il se rendait dans la grotte de Hira, ou dans la grotte Thawr, ou le fait qu'il se soit arrêté dans tel ou tel endroit, pour une quelconque raison, pour se reposer, ou pour une autre raison, alors il n'est pas légiféré de chercher à se rendre dans ces endroits. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'y est pas rendu visant par cela l'adoration, mais il ne s'y est rendu que pour un besoin. Il est donc obligatoire pour nous de faire la différence entre ces deux choses. Les lieux vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se rendait pas visant par cela l'adoration, mais qu'il est passé par ces endroits où il s'y est arrêté de manière ordinaire, pour se reposer ou pour un besoin, ou parce que l'heure de la prière est rentrée au moment où il se trouvait dans cet endroit, alors il a prié, mais il n'a pas visé cet endroit précisément. Alors ces endroits, on ne doit pas chercher à s'y rendre. Et on ne doit pas prendre ces endroits comme des lieux de prière ou des lieux d'adoration. Car il a fait cela sans intention. Il n'y a prié dans ces endroits, ou ne s'est arrêté dans ces endroits, que pour un besoin qui eut lieu au moment venu. Donc ces endroits, ils sont semblables à n'importe quel endroit sur terre. Ils ne se distinguent en rien. Et le fait de rechercher ces endroits, cela peut mener à l'idolâtrie. Et cela peut mener au fait que les gens, ils vont rechercher la bénédiction en ces lieux. Il se peut même qu'ils voyagent et fassent de longs trajets pour se rendre dans ces endroits. Il se peut même qu'ils endurent de grandes difficultés pour se rendre dans certains endroits. Et ceci mène nombre de personnes au polythéisme, Wallahul Musta'an. Il y a des gens aujourd'hui qui appellent à la préservation des lieux de mémoire historiques de l'islam, à les préserver, à les protéger, à les restaurer, et ainsi de suite. Comment pourrait-on faire une chose que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et à leur tête les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum n'ont pas fait. S'il y avait un bien en cela, il n'y a aucun doute que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que les imams des salafs parmi leurs suiveurs, ils se seraient empressés et nous auraient devancés en cela. Mais ils l'ont délaissé et se sont écartés, car ils savaient que ceci faisait partie des causes de la perdition des communautés qui nous ont précédés. Donc le fait de faire revivre les vestiges des prophètes ou les vestiges des vertueux, et ainsi de suite, tout ceci mène à l'idolâtrie. Comme on l'a vu dans l'histoire du peuple de Nouh, alayhi salam. Il ne faut pas que tu te dises, Alhamdulillah, aujourd'hui les gens connaissent leur religion. Ils vont visiter la grotte de Hira simplement, comme n'importe quel autre lieu. Ils savent qu'il ne faut pas faire d'adoration particulière, qu'il ne faut pas faire de polythéisme ou autre. Ils ont compris ces choses-là. Ils ne vont pas vénérer des pierres. Peut-être que toi, tu as compris aujourd'hui cela. Peut-être que d'autres ont compris aujourd'hui cela. Mais pense aux générations futures. Il se peut que le diable vienne à eux et leur enjolive l'idolâtrie et l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a fait avec le peuple de Nouh, alayhi salam. Comme on a dit au début, ils ont construit les statues à l'effigie des vertus afin de se rappeler d'eux, afin de se motiver dans l'adoration. Puis après, une fois que cette génération s'est éteinte, que la science a disparu, le diable est revenu à leurs descendants et leur a dit, vos ancêtres les adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quoi qu'il en soit, le musulman, il ne se sent jamais à l'abri. Il ne pense jamais que c'est acquis, qu'il a compris sa religion et qu'il ne va pas s'égarer. Personne ne se sent à l'abri de l'égarement. Et on a pour excellent modèle en cela le prophète Ibrahim, alayhi salam. Lui qui a cassé les idoles de sa main. Il a cassé les statues. C'est l'imam des monothéistes, alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala? Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Éloigne-moi ainsi que ma descendance de l'adoration des statues. Ibrahim, alayhi salam. Alors que dire de nous? Il n'y a pas de doute que celui qui entend cela et qui comprend que Ibrahim alayhi salam a fait cette invocation et qu'il a eu peur du polythéisme, Alors, nul après lui ne peut s'en sentir à l'abri. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il dit, المسألة الثانية والثمانون اتخاذ السرج على القبور. Le fait de mettre des lumières sur les tombes. Donc, le fait d'éclairer les tombes, les cimetières, d'y placer des lampadaires électriques ou autres, tout ceci est interdit, car ce sont des causes menant au polythéisme. Si les gens ont besoin de lumière, qu'ils doivent par exemple enterrer un mort durant la nuit, alors ce qui est légiféré, c'est qu'ils prennent des lumières avec eux. Mais ils ne doivent pas mettre des lampadaires qui éclairent en permanence les cimetières. Ceci a été interdit par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans le hadith, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, rahimahumallahu ta'ala, qu'Allah maudisse celles qui visitent les tombes, ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière, et y mettre des lumières. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit dans ce hadith trois catégories de personnes. Celles qui visitent les tombes. Donc ceci est une preuve que la visite des cimetières, elle est interdite pour la femme. Elle n'est légiférée que pour les hommes dans le but de se rappeler la mort. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait maudit celles qui visitent les tombes, cela nous indique que ceci fait partie des grands péchés. Donc la musulmane, elle doit s'écarter de cela et se soumettre à cet ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième catégorie de personnes qu'il a maudite dans ce hadith, c'est ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière. C'est-à-dire qu'ils choisissent la tombe spécifiquement pour prier à côté d'elle. Ou alors ceux qui, pire encore, vont construire la mosquée sur la tombe. Il n'y a pas de doute que ceci est bien plus grave et que c'est une des plus grandes causes menant au polythéisme. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il maudit dans ce hadith ceux qui éclairent les tombes. Et ce, car c'est un moyen menant au shirk, menant au polythéisme, menant à l'adoration de ces tombes et à ce qu'elles soient invoquées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc les tombes, elles doivent être délaissées, telles qu'elles l'étaient au temps des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas les éclairer, on ne doit rien construire sur elles, aucun édifice, mais elles sont laissées telles qu'elles. On ne les élève de la terre que d'un empan. On pose une pierre à chacune de ses extrémités afin de la délimiter, afin que l'on sache que c'est une tombe. On n'ajoute rien à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un jour ordonné à Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, comme cela est rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala, il lui a dit, ne laisse aucune tombe élevée sans l'aplanir. C'est-à-dire qu'il lui a ordonné de retirer toute élévation des tombes et de les aplanir au niveau de la terre. Car si les tombes sont élevées, il se peut que certaines personnes pensent que cela indique qu'elles doivent être vénérées, qu'elles ont de l'importance. Et ce, car les cœurs sont faibles, les ambiguïtés, elles sont captivantes, et le shirk, il peut rapidement atteindre le cœur du serviteur, surtout si ce serviteur est un serviteur ignorant, qui n'a pas la connaissance de ce qu'est le tawhid et de ce qu'est le shirk, qui ne distingue pas entre le culte exclusif qui doit être voué à Allah subhanahu wa ta'ala et le polythéisme. D'autant plus que les démons parmi les djinns et les hommes, ils enjolivent cela aux gens avec de nombreuses ambiguïtés afin de les tenter et de les égarer. Donc la tombe, elle ne doit pas attirer le regard. Et on ne doit pas faire de différence entre la tombe d'un prophète, d'un vertueux ou autre que. Et ce, afin de s'éloigner de la tentation. Car si il y a des constructions au-dessus des tombes, qu'elles sont décorées, qu'on place des lumières autour d'elles, ceci va attirer l'attention de nombre de personnes. Et certains ignorants vont alors se dire, si toutes ces choses sont faites autour de cette tombe, c'est alors qu'il y a quelque chose et qu'elle a de l'importance. Ils vont alors se rendre auprès de celle-ci pour l'adoration. Il est donc obligatoire pour nous de suivre la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les domaines de la religion. Et concernant les tombes, suivre ses ordres et ses indications, en n'exagérant pas à leur sujet, en ne construisant aucun édifice au-dessus de celle-ci, en ne mettant aucune lumière, aucun lampadaire, aucune écriture, ni rien du tout qui les distingue les unes des autres, telles que cela l'était à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il dit, rahimahullah, Al-mas'alatu thalithatu wa thamanun, ittikhadhu al-qubur a'yada. Le fait de prendre les tombes comme des aïds, c'est-à-dire des endroits, des lieux commémoratifs, que l'on va visiter en des temps précis. Donc le mot Eid en arabe, que l'on traduit souvent par la fête, il désigne en réalité ce qui se répète et se renouvelle, comme le Eid qui se renouvelle chaque année. Et le Eid, il est de deux sortes. Il y a des Eids qui sont liés à un moment, comme Eid al-Fitr, Eid al-Adha, la fête de la rupture, la fête du sacrifice, qui se renouvelle en des moments précis chaque année. Et il y a également ce que l'on appelle en arabe l'Eid al-Makani, c'est-à-dire un lieu commémoratif, un endroit qui va être visité en des temps précis et autour duquel les gens vont se réunir, soit de manière annuelle, soit de manière hebdomadaire, soit de manière mensuelle, et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, ne prenez pas ma tombe comme un Eid, c'est-à-dire comme un lieu commémoratif. Ne vous réunissez pas autour d'elle pour l'adoration en vous y rendant en des moments précis, et ainsi de suite. Ensuite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et priez sur moi où que vous vous trouviez, car vos prières me parviennent. Donc celui qui veut prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas besoin de se rendre auprès de sa tombe. Mais tu peux prier sur lui où que tu te trouves. Et ta prière, elle lui parvient sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu es chez toi, que tu es dans un autre pays, que tu n'es pas à proximité de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Et ceci parvient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci n'a pas été lié spécifiquement à un lieu, et encore moins à la tombe du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, il nous a interdit de prendre sa tombe comme un Eid, comme un lieu où on se rend régulièrement en des moments précis, ainsi de suite. Donc, le musulman, s'il se rend à Médine, il doit s'y rendre pour visiter la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour y prier, car la prière dans celle-ci est meilleure que 1000 prières. Mais il ne s'y rend pas pour visiter la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas une condition lorsque tu t'y rends, si tu souhaites prier sur lui, que tu ailles devant sa tombe. Mais tu peux le faire de n'importe quel endroit. Et si tu t'y rends, il ne convient pas que tu multiplies les visites de sa tombe, ou que tu t'assoies auprès de sa tombe, ou que tu fasses des invocations auprès de sa tombe ou autre chose, menant au polythéisme et à l'adoration d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc les gens de la Jahiliya, ils prenaient les tombes des vertueux comme des lieux commémoratifs. Ils se réunissaient autour d'elle, et ce comme on peut le voir aujourd'hui chez nombre de personnes parmi les adorateurs de tombes. Comme on peut le voir par exemple auprès de la tombe d'El Badawi. El Badawi qui est une personne qui est enterrée dans la ville de Tanta, qui est en Égypte, et les gens le vénèrent, adorent sa tombe, la visitent en des moments particuliers, ils se réunissent auprès de cette tombe, ils font des sacrifices, ils y restent plusieurs jours, et tout cela fait partie de la religion des gens de la Jahiliya. Et cela a lieu auprès de la tombe d'El Badawi, auprès d'autres tombes, et ce à travers le monde. Donc si la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous est interdit de nous réunir autour d'elle, de la visiter régulièrement en des moments précis, alors que dire de la tombe d'autre que lui? Il n'y a pas de doute que cela, cette visite, c'est une cause menant au polythéisme et à l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et méditez sur le récit de cet homme qui est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit qu'il avait prêté le serment de faire un sacrifice, de sacrifier un chameau, dans un lieu qui s'appelait Bawana. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Est-ce que dans cet endroit, il y avait une idole parmi les idoles de la Jahiliya qui était adorée? Alors les gens ont répondu non. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Et est-ce qu'il y avait en cet endroit un Eid parmi le A'yad, c'est-à-dire, est-ce que dans cet endroit ils se réunissaient et se rassemblaient? Alors les gens ont dit non. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, accomplis ton serment, car certes, il n'y a pas d'accomplissement du serment dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend de cela que si cet endroit était un lieu dans lequel les polythéistes se réunissaient avant l'islam, ou alors un endroit dans lequel il y avait une idole qu'ils adoraient avant l'islam, à l'époque de la Jahiliya, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait interdit de spécifier cet endroit. C'est pour cela qu'il lui a posé cette question. Il lui a donc demandé est-ce que, en cet endroit, il se réunissait, il y avait un rassemblement. Est-ce que c'était un lieu commémoratif parmi les lieux commémoratifs de la Jahiliya? Ceci nous prouve donc qu'il n'est pas permis de spécifier un endroit pour l'adoration, si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont spécifié comme les mosquées, les endroits du pèlerinage et de la Umrah, et ce qui est autre que cela, alors tous les endroits de la terre sont semblables. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, la terre a été faite pour moi, tout entière, comme un lieu de prière et de purification, sans aucune distinction. Donc il n'est pas permis de spécifier, sans preuve du Coran et de la Sunna, un endroit pour l'adoration. Il y a parfois des endroits qui te disent, prie dans cet endroit, il y a un mérite si tu vas dans telle mosquée. Tu vas visiter un pays, il va te dire, ah, tu as été visiter cette mosquée, tu as été prié dans cette mosquée. Et souvent, si tu te renseignes à ce sujet, tu verras, c'est que peut-être, il y a une tombe à côté de cette mosquée, la tombe d'une personne qui prétend être un saint, ou d'autres choses encore, qui font partie des choses semblables à ce sur quoi étaient les gens de la Jahiliya. Ensuite, le cheikh, il dit, rahimahullah, al-mas'alatu al-rabi'atu wa-thamanun, al-dhabhu 'inda al-kubur. Le 84e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le sacrifice auprès des tombes. C'est-à-dire qu'ils sacrifiaient des bêtes en offrande pour les morts. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné lorsqu'on sacrifie, de ne sacrifier que pour lui, car ceci est une adoration qui doit lui être vouée exclusivement en dehors de tout autre que lui. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et sacrifie. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont à Allah, Seigneur de l'univers. Donc de la même manière que la prière, c'est un acte que tu fais exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de tout autre que lui. Il en est de même pour le sacrifice. C'est un acte que tu ne voues qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de tout autre que lui. Et le fait de sacrifier auprès des tombes, afin de vénérer cette tombe ou de vénérer ses habitants, alors ceci est du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Par contre, s'il fait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il sacrifie auprès de cette tombe en pensant que cela est légiféré, ou alors qu'il y a un mérite à faire le sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala auprès de cette tombe, alors ceci fait partie des innovations qui mènent au polythéisme. Il n'est donc pas permis de faire des sacrifices auprès des tombes, même si celui qui sacrifie ne fait pas cela par vénération de l'habitant de cette tombe, et qu'il ne sacrifie que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car si les gens prennent l'habitude de sacrifier auprès des tombes, alors ceci mènera à l'adoration des tombes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, le sacrifice, il n'est pas permis de le faire pour se protéger du mal des djinns, ou alors pour se soigner. En effet, il y a certains charlatans qui se font passer pour des guérisseurs, qui lorsqu'un malade vient les voir, il lui dit, prends une poule, sacrifie-la et jette-la dans tel endroit. Et ceci est du polythéisme. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. Le sacrifice, c'est une chose qui est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne doit être vouée à nul autre que lui. Quant au fait de sacrifier une bête pour la manger, ou alors pour honorer un invité, tout en mentionnant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci fait partie des choses permises. Car ce n'est pas une adoration, mais cela fait partie des actes ordinaires, des choses usuelles. Toutefois, les sacrifices que tu fais le jour de la fête du sacrifice, Eid al-Adha, ou alors le sacrifice que tu fais pour la Aqiqa, c'est une adoration que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle ne doit être vouée à nul autre que lui. Tu ne sacrifies ni pour une créature, ni pour une tombe, ni pour les djinns, ni pour autre chose, si ce n'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il dit, rahimahullah, al-mas'alatan, al-khamisatu wa-sadisatu wa-thamanun, at-tabarruku bi-athari al-mu'azzamin, kadar al-nadwa, wa-ftikharu man kanat tahta yadihi bi-thalik, kama qila li-hakim ibn Hizam, bi'hta makramata Quraysh, faqal, dhahabat al-makarim illa al-taqwa. Le 85e et le 86e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait de rechercher la bénédiction dans les vestiges des gens magnifiés, des gens qui sont glorifiés, comme ils l'ont fait avec Dar al-Nadwa, et le fait de se vanter de posséder ces vestiges. Comme il a été dit à Hakim ibn Hizam, tu as vendu ce qui représentait la noblesse de Quraysh. Alors il a dit, radiyallahu ta'ala anhu, toutes les formes de noblesse ont disparu, si ce n'est la piété. Donc le fait de vénérer les vestiges ou les restes ou les traces des gens qui sont magnifiés, des gens qui sont élevés, qui ont un rang éminent, comme les savants, les rois, les gouverneurs et ainsi de suite, en faisant revivre leurs vestiges, en les entretenant, en les préservant et ainsi de suite, tout ceci font partie des choses et des moyens menant au polythéisme et à l'adoration d'autres qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie de la religion des gens de la Jahiliyyah. Car comme on l'a dit, même si aujourd'hui ces choses ne sont pas adorées, il se peut que vienne une génération et que le diable leur inspire le fait de les adorer en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en leur disant, vos ancêtres n'ont préservé ces vestiges et ces monuments, si ce n'est parce qu'ils contiennent une bénédiction, car il y a un bien en cela. Alors, il va les pousser à les adorer en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a vu, comme le diable a fait avec le peuple de Nuh, alayhi salam. À la base, ils avaient une bonne intention. Ils ont fait cela afin de se rappeler de ces personnes pieuses pour se motiver dans l'adoration. Mais comme on l'a dit, ils sont morts après cela, et le diable est venu à la génération suivante et leur a enjolivé le fait de les adorer en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci fait donc partie des œuvres, parmi les œuvres des gens de la Jahiliya. Ce sont eux qui vénéraient des vestiges des gens qu'ils considéraient comme magnifiés ou ayant un rang éminent parmi eux. Ils préservent ces vestiges, ils préservent ces monuments, ils les protègent, les rénovent et ainsi de suite, pour qu'ils soient ensuite adorés en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même si ce n'est qu'après plusieurs générations. Donc comme on a dit, la personne, elle ne doit pas dire Alhamdulillah, les gens, ils sont sur la religion authentique aujourd'hui, ils sont sur le tawhid, ils ont compris que l'on ne doit pas adorer ces choses en dehors d'Allah, mais on ne fait cela que pour le souvenir, pour la mémoire, pour l'histoire et ainsi de suite. Tu ne dois pas te limiter à réfléchir sur la situation actuelle, mais ton regard, il doit être plus lointain. Tu dois penser à l'avenir, aux générations suivantes. Et à la base, même les gens présents aujourd'hui, ils ne sont pas à l'abri de la tentation. Il se peut qu'ils soient éprouvés et qu'ils tombent dans le polythéisme et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Toutefois, la situation est pire et plus dangereuse pour les générations futures qui ignoreront ce pourquoi ces vestiges ont été préservés. Il n'est donc pas permis de préserver ces monuments, de préserver ces choses comme on le trouve aujourd'hui dans certains musées, dans lesquels ils vont conserver des choses qu'ils prétendent être au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci doit être délaissé. C'est cela, comme on a dit, qui a causé la perdition des communautés qui nous ont précédés, car ils vénéraient les traces et les vestiges des nobles parmi eux, jusqu'à ce que ces vestiges deviennent après cela des idoles adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les musulmans doivent donc être attentifs à cela et délaisser ce genre de choses. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné un exemple de cela, qui est Dar al-Nadwa, qui était à Mecca. Et Dar al-Nadwa, c'était le lieu de réunion des notables de Quraysh, le lieu où ils se rassemblaient pour se consulter les uns les autres au sujet des affaires importantes. Donc après l'avènement de l'islam, l'édifice de Dar al-Nadwa, il est resté tel qu'il l'était. Et ce jusqu'à l'époque de Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu, qui a acheté cet édifice de Hakim ibn Hizam. Alors certaines personnes ont blâmé Hakim et lui ont dit, tu as vendu un des vestiges parmi les vestiges de nos prédécesseurs. Tu as vendu quelque chose qui représentait la noblesse de Quraysh. Alors il répondit, radiyallahu ta'ala anhu, toutes les formes de noblesse ont disparu, si ce n'est la piété. Et il a tiré cela de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna akramakum inda Allahi atqakum. Certes, le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Et quelle excellente réponse qu'il a donnée, radiyallahu ta'ala anhu. Une réponse conforme à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci provient de sa clairvoyance et de sa foi ferme, radiyallahu ta'ala anhu. Donc ceci nous prouve qu'il n'est pas permis de conserver les vestiges qui sont anciens, les choses des générations qui nous ont précédés, et ainsi de suite. Car ceci mène au polythéisme, même si cela n'est qu'après plusieurs générations. Et notre religion, elle ordonne de couper la route et de fermer toutes les issues qui peuvent mener au polythéisme. De la même manière, le musulman, il doit prendre garde, ne pas faire comme certains le font, conserver des photos de ses proches qui sont décédés, notamment de ses parents. Il y a certaines personnes, lorsqu'un de leurs parents meurt, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un cadre à son effigie, et ils vont l'accrocher dans leur salon ou autre. Tout ceci font partie des choses interdites, qui font partie de l'exagération et qui peuvent mener au polythéisme. Donc on voit à travers toutes ces choses l'importance pour le musulman d'apprendre sa religion, et notamment l'importance pour lui d'apprendre la croyance authentique et tout ce qui est lié au tawhid et au polythéisme. Car on voit qu'il y a de nombreuses choses qui peuvent être subtiles pour certaines personnes. Nombre de personnes, lorsqu'on leur dit « Allons visiter le monument à tel, allons visiter tel musée, ainsi de suite », ils pensent que, à première vue, il n'y a pas de mal en cela. Alors qu'en réalité, ceci fait partie des œuvres pouvant mener au polythéisme. Et également, on trouve aujourd'hui certaines personnes chez qui on retrouve cette sorte de révérence et qui donnent de l'importance à des choses qui en réalité ne l'ont pas. Comme des gens qui vont par exemple prendre photo la chaise de leur cheikh. Il prend une photo, il la met sur internet, il dit: ceci est la chaise de tel cheikh, celle sur laquelle il s'assoit pour donner cours. Et alors, qu'est-ce que cette chaise a de plus qu'une autre chaise? Pourquoi nous montres-tu la chaise de ce cheikh? Est-ce qu'elle a une valeur particulière? Il y a de la baraka dans cette chaise? Si fait partie de l'exagération envers les individus, à tel point que certains parmi eux vont même jusqu'à dire à leurs opposants: la chaussure de notre cheikh a plus de valeur que vous. Wal'iyadhu billah. Ceci est une forme d'exagération qui est très dangereuse et de laquelle le musulman doit prendre garde, car cela peut mener au polythéisme, Allahu musta'an. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On reprendra dans le cours de la semaine prochaine. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion et de nous aider à concrétiser le tawhid et à nous préserver de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.